cours numéro 30. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fi darsin al-akhir, on a fini le chapitre numéro 29 sur al-afu. Wa qara'na kalam al-imam ibn Hibban, rahmatullah alayhi wa stafadna, wa lillahi alhamd. Et pour compléter, on peut ajouter la parole de Abu al-Hussein rahimahullah ta'ala qala al-karam fi al-'afw an la tadhkur khata'a sahibik ba'da an 'afawta 'anhu. Intaha al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah, il a rapporté cette parole dans son célèbre ouvrage Shu'ab al-Iman. Fa al-karam fi al-'afw, tout ce qu'on a lu dans le cours précédent, fi ahmiyat al-afw, l'importance de pardonner, et ça fait partie des comportements de al-kurama, al-salihin, al-atqiya, tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fa si hadha al-afw il est lillahi azza wa jal, et al-mu'min il espère la récompense, fa idha afa an akhi قال الكرم في العفو أن لا تذكر خطأ صاحبك بعد أن عفوت عنه. Si tu lui as pardonné, tu lui as excusé, enfin, ce n'est pas la peine. بل لا ينبغي هذا, de citer encore le défaut de ce frère mu'min, ou cette erreur qui t'a fait, cette maladresse. إذا عفوت, si tu lui pardonnes, enfin, tu dois lui pardonner. Et ça fait partie du pardon de ne plus citer cette chose. Malbard, vu que al-afu, il n'est pas lillahi azza wa jal, imma c'est pour les gens, imma c'est pour autre chose. Roubama en apparence, il pardonne. Thumma, idha ghaba hadha al-shakhs, fa il critique ce frère, hadha al-mu'min, annahu il a fait et il fait alors qu'il vient de lui pardonner. Hadha al-karam, c'est muhim. Al-karam fil afu wa fi ghayrih. Et c'est le sujet de notre dars aujourd'hui, fi al-karim ou al-la'im. Amma, celui qui pardonne pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est effacé plutôt. Fal mu'min, s'il veut que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, ya'fu an, fa taqaddam ma'ana anna, parmi les causes, c'est de pardonner à ton frère. Fa si tu pardonnes à ton frère, fa tu n'as plus besoin de citer cette chose. Pourquoi lui pardonner si c'est pour reciter cette chose? Khassatan si, walillahil hamd, vous avez discuté et que le wahed il a accepté les excuses de l'autre, il faut passer à autre chose et ne pas laisser le shaitan. Wa illa va hadha al-afu fihi ma fiya. Qala rahimahullah, dhikru sifati al-karim wal-la'im. Le 30e chapitre. Fi dhikru sifati al-karim wal-la'im. Et concernant Al-Karim ou Al-La'im. Al-Karim, ça vient du mot Karam. Ou Al-La'im, ça vient du mot Laum. Et le pluriel de Karim, c'est Al-Kurama. Et le pluriel de La'im, c'est Al-Lu'ama. On cite une définition de Al-La'im. Amma Al-Karim, c'est Ma'rouf. Wa sayati ma'ana kathiran. Lakin en comprenant Al-La'im, on comprendra كذلك لفظ Al-Karim. Al-La'im, هو الشحيح الدنيء النفس والمهين واللؤم ضد الكرم. Donc اللئيم c'est le contraire de الكريم. والكريم c'est الشحيح الدنيء النفس. C'est une personne de mauvaise. شحيح qui est touché par l'avarice. وهكذا il est دنيء النفس. ربما il se fait du mal, il fait du mal à son honneur, à sa dignité. Pour des raisons futiles. Wal-mahin, il ne se respecte pas lui-même, il n'est pas respecté par les autres. Et tout cela, bien sûr, c'est le contraire de Al-Karim. Sayati ma'ana anna Al-Karim, c'est At-Taqiyu Lillah, c'est celui qui craint Allah Azza wa Jal. Al-Karim, Al-Karam, ça renferme tout le bien. Une traduction simple de Al-Karim, le bon. Wa Al-La'im, c'est le contraire. Et c'est le mauvais. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسن ابن الخليل بنسى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم. Donc ils ont demandé au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام أي الناس أكرم. Et qui c'est le genre de personnes qui sont أكرم عند الله. قال أكرمهم عند الله أتقاهم. Les personnes les plus droites, c'est أتقاهم لله سبحانه وتعالى. C'est ceux qui craignent le plus Allah. قالوا ليس عن هذا نسألك. Ils ont dit au prophète عليه الصلاة والسلام, c'est pas sur cela qu'on t'interroge, يا رسول الله. قال فعن معادين عن معادين العرب تسألونني. معادين العرب أي أصول العرب أنساب العرب. أي le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a dit est-ce que vous me demandez sur معادين العرب أي les meilleurs arabes et les meilleures tribus, les meilleures origines. قالوا نعم. Ils lui ont dit نعم. قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. هذا الحديث il est fi Sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Nawawi, rahimahou Allah, il a cité fi Riyad al-Salihin. Fa naqra bi ikhtisar kalam Cheikh ibn Uthaymeen alayh. Amma al-hadith il est fi Sahihayn. Kama bayyana al-Imam al-Nawawi dans Riyad al-Salihin. Et kadalik ya un ajout laysa an hadha nas'aluk. Quand ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas sur cela qu'on te demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qal fa Yusuf نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك ثم إلى répondu فعن معاد العرب. قال شيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قوله من أكرم الناس قال صلى الله عليه وسلم أتقاهم يعني أن أكرم الناس أن أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل وهذا الجواب مطابق تماما لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement comme le verset que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé dans le Coran. إن أكرمكم عند الله. Et les plus pieux d'entre vous, les plus bons parmi vous, c'est qui? C'est ceux qui craignent le plus Allah subhanahu. قال رحمه الله فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الناس من حيث النسب ولا من حيث ولا من حيث الحسب ولا من حيث المال ولا من حيث الجمال. الله سبحانه وتعالى نعم il regarde pas la beauté de l'insan ou sa richesse ou ses origines وإنما ينظر سبحانه إلى الأعمال. لماذا؟ لأن les origines ou la beauté etc. Chacun il a ce que Allah il lui a qadr. Et tu ne peux pas changer ces choses. Maintenant ton origine, ta couleur de peau, ta taille, ta beauté, tu ne peux pas changer ces choses. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il ne jugera pas sur ces choses. Enfin, les efforts qu'on doit faire, c'est sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va nous juger. Et ce qu'on peut améliorer. Aïe, al-istiqama wa taqwa. Aïe, tout ce qui est lié au din. قال رحمه الله فأكرم الناس عنده أتقاهم له ولهذا يمد أهل التقوى بما يمدهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة لأنهم هم أكرم خلقه عنده ففي هذا حث على تقوى الله عز وجل وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده ولكن الصحابة لا يريدون بهذا السؤال الأكرم عند الله. نعم كما جاء في الحديث أن الصحابة c'est pas cela qu'ils voulaient savoir. C'est pour ça ils ont dit لسنا عن هذا نسألك. على كل حال فأكرم الناس سأتقاهم لله عز وجل. Les plus bons عند الله. Ce que Allah il aime le plus min ibadihi, c'est atqahum lahu azza wa jal. C'est ceux qui le craignent le plus. Thumma qala Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah qawluhu khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idha faquhu. Les meilleurs d'entre vous fil jahiliya, c'est les meilleurs quand ils deviennent musulmans avec cette condition idha faquhu. Yani anna akram al-nas min حيث النسب والمعادن والأصول هم الخيار في الجاهلية لكن بشرط إذا فقه avec cette condition إذا فقه أي إذا تعلم c'est donne de l'importance au ilm s'il cherche à apprendre et bien sûr ils cherchent ils essayent font les efforts pour mettre en application فهؤلاء سخيارون si c'était les meilleurs في الجاهلية مثلا ils avaient un nasab عظيم سيأتي المثال فهذا il le garde après l'islam et avec هذا النسب فكذلك s'ils ont l'islam et l'ilm فلا شك أن ça fait d'eux les meilleures personnes قال فمثلا بنو هاشم من المعروف هم خيار قريش بنو هاشم c'est cette famille la descendance de هاشم c'est les meilleurs de قريش et قريش c'est la meilleure tribu فيكونون هم خيارهم في الإسلام c'est ça معنى الحديث مثلا ceux qui faisaient partie de قريش et de بنو هاشم avant l'islam ils faisaient partie de la meilleure tribu la meilleure famille le meilleur nasab ils avaient les meilleures origines si هؤلاء ils se convertissent et ils apprennent leur dîn et mettent en application ça devient les meilleures personnes ça nous montre أن النسب وحده les origines seules ça ne suffit pas ceux qui font partie de la famille du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام s'ils rentrent في دين الله عز وجل ويتقون الله فلا شك أن مع الإسلام et avec ce rang qu'ils ont, ce privilège, faire partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute annahu, c'est très très profitable et utile. Wa illa faire partie mathalan de Banu Hashim, de la famille du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, thumma ne pas accepter l'islam, ne pas se soumettre à Allah azza wa jal, c'est d'aucune utilité. Fa kam min Quraysh qui était proche du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas accepté ad-da'wa, الإسلام التوحيد سنلغيت دوكن utility النسب من بطأ به نسبه لم يسرع به عمله من بطأ أو plutôt من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه celui qui ne fait pas des efforts dans العمل est-ce que ces origines elles vont être utiles là voilà لماذا لأن الإنسان sera jugé sur ses أعمال et bien sûr s'il a ce plus Allah أكرمه أنه il fait partie de Quraysh, de Banu Hashim, de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام, فهذا il aura un fadl, il aura une mazia par rapport aux autres. لكن tout cela s'est fondé sur le din. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقه avec cette condition. قال رحمه الله فإن لم يكونوا فقهاء فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدنا أو معدنا فإنهم ليسوا أكرم الخلق عند الله وليسوا خيار الخلق فهذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه لكن بشرط أن يكون لديه فقه في دينه الشرف في النسب on peut pas le rejeter أن certaines origines elles sont meilleures que d'autres il n'y a aucun doute هذا c'est pour ça que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la meilleure famille لكن هذا c'est utile si c'est fondé sur l'iman si c'est fondé sur التوحيد si c'est fondé sur la sincérité قال ولا شك أن النسب له أثر ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس وأشرفهم نسبا ومن ثم كان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق نعم أشرف الخلق la meilleure créature, le meilleur des êtres humains فلا شك أنه vient de la meilleure famille قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في أشرف البطون أو وأعلى الأنساب فهذا ما يتعلق بهذا الحديث ثم قال شيخ العثيمين رحمه الله فإذا كنت تريد أن تكون كريما عند الله وذا منزلة عنده فعليك بالتقوى et c'est ça le résumé de ce chapitre qu'on va lire Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève, tu veux faire partie de Al-Kurama, Al-Atqiya, Al-Sulaha, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé, ce que les personnes pieuses elles aiment, tu veux réussir ici-bas et dans l'au-delà, fais des efforts dans ta croix. Ton origine, tu ne peux pas la changer. Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'origine de tel endroit à qui il veut, il élève qui il veut. Ton physique, tu ne peux pas le changer. Ne perds pas ton temps dans des choses que tu ne peux pas changer, alors que on a tous besoin de faire des efforts. Fi dinillahi azza wa jalla. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Lui obéir, s'écarter de la désobéissance. قال فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرم. Plus tu feras des efforts في تقوى الله, dans la crainte d'Allah عز وجل, plus tu seras أكرم عند الله. Allah سبحانه وتعالى t'élèvera. هذا ما يتعلق بهذا الحديث que الإمام ابن حبان il a cité. On vient de lire un bref résumé de Sharh Riyad Salihin de Sheikh Ibn Uthaymeen, Al-Mujallad Al-Awwal, Bab Al-Taqwa. قال رحمه الله أكرم الناس من اتقى الله والكريم التقي. On s'aperçoit directement avec هذا الكلام et le hadith qu'il a cité رحمة الله عليه أن الكريم, c'est pas ce que certains y pensent ou ils ont restreint plutôt Al-Karam à l'argent. Si tu demandes à Kathir Minanas Sekki Al-Karim, ils te diront c'est le généreux. Celui qui donne, il est Karim. Vous avez remarqué que Huna, il a cité Al-Hadith Awwalan pour faire le lien entre Al-Karam wa Taqwa. Le fait d'être bon, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas que la générosité. La générosité, Al-Jud, Al-Ata, ça fait partie de Taqwa Allah. C'est une partie, faqat. Comme Minanas. Ils ont chez min al-karam. Hatta min al-kuffar, ils donnent. Et ils aident. Ils aiment être utiles, etc. Hadha al-ata. Vu que ce n'est pas fondé ala l'iman, ou l'ikhlas, ou l'tawhid, c'est d'aucune utilité. Enfin, on doit être karim, bien sûr, avec ce qu'on possède. Et kadhalik, on doit être karim avec notre nefs. On doit être karim avec les autres. Et qabla dhalik, on doit être karim en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, être bon avec les autres et vouloir aider les autres et oublier son din et ne pas se soumettre à Rabbul Alamin, hada c'est pas min al-karam, hada c'est min al-khudlan. Anna l'insan il fait que perdre son temps et yawm al-qiyama il aura tout perdu. Et celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala sans iman. Qala أكرم الناس من اتقى الله والكريم التقي. Donc الكريم c'est celui qui craint Allah عز وجل. والتقوى هو العزم على اتيان المأمورات والانزجار عن جميع المسجورات. تقدم معنا كثيرا dans ce livre ما يتعلق بالتقوى. هنا عرف التقوى كما قال المحقق باللازم. Ce qu'on vient de lire, c'est les conséquences de la taqwa. Al-azmu ala ityan al-ma'mour wal-inzijar an jami' al-mazjoura. C'est de faire des efforts pour faire appliquer ce que Allah nous a ordonné, s'écarter de ces interdits. Qala hada tafsirun bil-lazim, ay al-muhaqqiq. Wa illa fa haqiqatu al-taqwa fi lugha al-akhdh bi kulli asbab ma yadfa' an al-insan kullu ma yakrah wa yahdhar fi dunya wal-akhirah. La shak annahu il y a un lien entre هذا ce que Ibn Hibban il a cité. لماذا لأن التقوى c'est faire les efforts, les causes pour être préservé de tout ce qui peut nous faire du mal ici-bas et dans l'au-delà. Et là, chaque anna obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter des interdits, c'est une des plus grandes causes pour être préservé du châtiment d'Allah subhanahu. قال واتخاذ الوقاية مما يؤذي ويضر في الجسم والقلب والعقل ولا يكون ذلك إلا بالعلم واليقظة التامة. كذلك il y a un lien direct entre التقوى والعلم. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم, vous avez remarqué dans le hadith, قال أكرمهم عند الله أتقاهم, il a cité la taqwa. ثم à la fin du hadith, quand il a démontré أن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ثم قال إذا فقه. Ça nous montre le lien direct entre العلم, la science et التقوى. قال رحمه الله, toujours la parole du محقق العلامة الفقي رحمه الله, قال ولا يكون ذلك إلا بالعلم واليقظة التامة والبصيرة النيرة فكم من آت بكل المأمورات ومنزجر عن كل المحرمات ولكنه على الجهل والتقليد أعمى لا ينفعه شيء مما يأتي. كم من الناس يفون des efforts pour faire telle adoration, pour écarter tel péché, لكن c'est pas fondé sur le ilm, c'est pas fondé sur la science, et robama tout cela n'est pas accepté. كم من الناس, ils essayent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des bid'ah, khurafat. Ils ont entendu un tel dire « il faut faire telle chose » et ils font des sacrifices et ils sacrifient du temps, de l'argent, de leur force, etc. Et c'est pas accepté عند الله. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. خاصة celui qui peut apprendre et il ne fait pas les efforts. فلهذا اخي الكريم, ça c'est une faïda azima, ان الاكرم عند الله c'est التقي والكريم c'est التقي. Et fais des efforts pour ne pas perdre ton temps. Déjà que le temps il est très très limité. Thumma, ce temps limité, on a des faiblesses pour occuper ce temps par l'obéissance. Enfin, le peu qu'on fait, on doit tout faire pour être sincère. On doit tout faire pour suivre un Nabi alayhi salatu wasalam et ne pas perdre notre temps en se fondant sur des arguments qui ne sont pas acceptés. Il m'a des rêves, il m'a les gens, ils ont fait. Il m'a le à peu près. Notre dîn, il n'accepte rien de cela. Notre dîn, il est fondé sur Ad-Dalil, Al-Burhan. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. C'est ça le sidq. Et c'est ça le haq. Et c'est ça At-Taqwa, la base de la Taqwa. Al-Ilm. Et la sincérité. Amma, celui qui a du ilm, kadalik. Et qui obéit, là, qui n'est pas sincère, fahada kadalik, il se fatigue. Il se fait beaucoup de mal. Il aura des comptes à rendre. Celui qui fait pour se montrer. C'est ça, taqwa. La sincérité. Ça, c'est une base. C'est la base. Thumma, faire des efforts pour apprendre. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fata'amal. Ce verset, comme a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'ilm, qabla al-qawl wal-amal. Awoulan, on commence par l'ilm avant d'agir. Sinon, tu vas perdre tes forces. Robama faire des choses qui ne sont pas légiférées. Thumma, après la sincérité et la science, l'insan met en application ce qu'il a appris. Hada khulasat kalam al-muhaqqiq. Qala Ibn Hibban rahimahullah, faman sahaha azmahu ala hatayn al-khaslatayn. Ay, faire des efforts pour obéir, agir et s'écarter des interdits. Fahuwa at-taqi alladhi yastahiqqu ism al-karam. ومن تعرى عن استعمالهما او احديهما او شعبه من شعبهما فقد نقص من كرمه مثله. Plus l'insan il s'écarte du dîn, plus il commet des interdits, plus il s'écarte de la science, plus il aura des faiblesses في هذا الكرم par rapport à la foi. الامام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في طريق الهجرتين. قال من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم. أي le contraire de الكريم. Donc الكريم c'est celui qui connaît ce chemin et qui est sincère et qui fait des efforts. هذا هو الكريم. Et c'est ça التقوى. La sincérité avec la science et la mise en application. اللئيم c'est le contraire. من لم يعرف الطريق. Il connaît pas le chemin. وَلَمْ يَتَعَرَّفْهَا. Il ne veut pas le connaître, il ne fait pas les efforts pour apprendre. وَإِلَّا, celui qui fait des efforts et il a un manque de science. S'il a fait les efforts et il ne peut pas apprendre, il est excusé. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. لَكِنَ الْمُصِيبَ, c'est celui qui peut, il peut demander, il peut chercher. لَكِنَ, il ne fait pas les efforts. فَمَنْ لَمْ يَعْرِفُ الطَّرِيقِ إِلَى رَبِّهِ. Il ne connaît pas le chemin qui le mène à Allah Azza wa Jal. وَلَمْ يَتَعَرَّفْهَا. Et il ne fait aucun effort pour le rechercher. فَهَذَا هُوَ اللَّئِيمُ. هَذَا لَئِيمٌ. هَذَا, il ne fait pas partie de الكرماء. قال ابن القيم رحمه الله, قال الله تعالى وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité هنا الكرم. قال وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala irabaisse, فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ. Personne ne l'élèvera. Il ne fera pas partie de Al-Kurama. Il restera mina Al-Lu'ama. Donc, هذه المقدمة الطيبة, en se basant sur ce hadith, on a acquis, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, des bonnes bases, أن Al-Karam, c'est lié au din. Et, كذلك Al-Lawm, c'est lié au din. Enfin, celui qui fait des efforts, qui est sincère, qui veut avancer, bi'idhnillahi azza wa jal, il fait partie de l'Kurama. Celui qui ne fait pas d'efforts, qui délaisse son din, etc., par rapport à son éloignement du din, par rapport à son égarement, il fera partie de l'Lu'ama. Qala rahimahullah, wa laqad haddathana Muhammad ibn al-Muhajir, qala haddathana Isa ibn Muhammad ibn Sahl al-Azdi, قال أو عن أبيه عن المدائن قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: حسن المحضر واحتمال الزلة وقلة الملالة. Ces trois caractéristiques, حسن المحضر واحتمال الزلة. تقدم معنا احتمال الزلة أي العفو، يتحمل. ولو si quelqu'un se trompe, quelqu'un a fauté, quelqu'un fait une erreur à ton encontre, أخي الكريم، هذا الاحتمال. وأعظم من ذلك c'est de pardonner, العفو. Il n'y a aucun doute que هذا ça fait partie des caractéristiques de الكرماء. قال وقلة الملالة. Al-malala, c'est en avoir assez. Ça, c'est un waf. Al-Wardhoum, ils sont très vite. Ils en ont vite assez. Ils n'arrivent pas à patienter. Et Hadal Wasf, si il est vie à Ta'at ou à l'Ibadat, c'est très très grave. Bal al-Insan, kullama, il avance dans son din. Khassatan fil ilm. Et si Allah il lui facilite pour mettre en application. Là, je sais qu'il y aura des choses, c'est répétitif. La salat, la science, le dhikr, le siyam, des choses, beaucoup d'adoration, c'est répétitif. On doit faire attention à hadhil malal. Le cœur est durci, et l'insan en a très vite assez et il veut changer. Hatta ba'd an-nas, il tombe fil bid'a à cause de hada. Il tombe dans les innovations à cause de hada. Notre din, c'est pas un plat que tu peux goûter, tu choisis ce que tu veux. Quand tu en as assez, tu changes. Abadan. Notre din s'est fondé sur l'ikhlas. Si l'insan, il adore Allah subhanahu wa ta'ala bi-sidq wa mahabba, il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec hadhihi al-mahabba, avec l'amour, avec sincérité, ben, il ne sera pas touché par hadhihi al-malala. قال أبو حاتم رحمه الله الكريم لا يكون حقودا ولا حسودا ولا شامتا ولا باغيا. Al-Karim, donc on ne traduira pas toujours le bon, le guidé, celui que Allah il a élevé, le généreux, etc. La yakun haqoudan envers ses frères mu'min. Il n'a pas hadha al-hiqd, cette jalousie, cette haine. Bel al-karim, son amour, mahabbatuhu, elle est par rapport à mahabbatu Allah azza wa jal. Il aime ce que Allah il aime. Il aime ce que Allah il aime. Il déteste tout ce que Allah déteste. Il déteste al-kafara, il déteste al-yahoud ou al-nasara. Il déteste les péchés, il déteste la mécréance, etc. Et il aime l'iman, il aime le sunna, il aime ses frères et le sunna, il aime le musulman par rapport à son iman, bien sûr. Amma al-hiqd, l'animosité envers ses frères, bila sabab, هذا c'est min sifat al-la'im. قال ولا حسودا كذلك, la jalousie, on l'a déjà traité wallahi alhamd dans un chapitre. ولا شامتا ولا باغيا. Shamit bi akhi, quand son frère il est en position de faiblesse, au lieu de l'aider, enfin ouais, il en profite pour essayer de lui faire du mal, pour se débarrasser de lui, pour prendre sa place. Ça c'est min ash-shamat. Wala baghiyan ay zaliman, il est pas injuste. Bel avec son frère, s'il a des faiblesses, yarhamu, il a de la miséricorde envers son frère mu'min. Il est juste envers tout le monde, envers le mu'min ou ghir al-mu'min. Il veut le bien pour tout le monde. Lakin, il a des principes. Tawhidun, wa aqidatun, wa sunnah. Enfin, ces principes, ils passent avant tout. Toutes ces choses qu'on vient de citer, c'est par rapport à ces principes. Le fait de donner, le fait de ne pas donner, le fait d'aimer, le fait de détester. Qal wa la sahiyan wa la lahiyan. Amma as-sahu, qui touche tous les êtres humains, et le fait d'oublier, d'être distrait parfois, là, ça touche tous les êtres humains. Lakin al-murad huna la sahiyan wa la lahiyan, ay des choses qui le distraient, qui l'écartent de son din. Enfin, ce mu'min, ce karim, il fait très très attention. Ay nos objectifs. Al-haakumu takathur hatta zurtumu al-maqabir. Hakada qala azza wa jalla. Le karim, le mu'min, as-salih, il fait tout pour ne pas être distrait par cette dunya. Oublier son din pour ou à cause de cette dunya. Qala wala fajiran wala fakhuran wala kadhuban. Kadhalik, il s'écarte de ses défauts. Elle fout toujours avec sa langue. Le fait de mentir, le fait d'insulter, le fait d'accuser. Wala fakhuran, il s'écarte de هذا الفخور, l'orgueil, le kibr, ولا كذوبا, le mensonge, ولا ملولا, ولا يقطع إلفه, ولا يؤذي إخوانه. لا يقطع إلفه, أي l'amour qu'il a envers son frère, vu que c'est un amour في الله عز وجل, il ne doit pas être coupé بلا سبب أبدا. Si tu aimes ton frère, tant que c'est un mu'min, il n'a pas fait une chose qui pousse à le détester, qu'à le kufr matalan. Fi hadha al-hal, on doit l'aimer. Si on l'aime fillah, rien n'a changé. Cet amour, c'est par rapport à l'amour d'Allah. C'est pour ça que ce mu'min, s'il fait des choses qui le font sortir de l'islam, matalan, il ne veut plus l'islam et ça devient un kafr min al-kafra, cet amour, il doit se transformer en bourde. Si on aimait fillah. قال ولا يضيع الحفاظ ولا يجفو في الوداد يعطي من لا يرجو ويؤمن من لا يخاف ويعفو عن قدرة ويصل عن قطيعة. Tout ça تقدم معنا أنه il ne fait pas, il ne donne pas pour qu'on lui donne. مثلا il ne visite pas les autres pour être visité. لماذا؟ لأنه tout ce qu'il fait c'est pour Allah سبحانه وتعالى. Même si un tel il ne le visite pas, حصل له شيء من القطيعة فهو يصل, il fait tout pour ne pas rompre les liens de parenté, même si certains ne le respectent pas. وهكذا les autres exemples qu'on a vus auparavant. قال حدثني محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن علي بن محمد المدائني عن محمد بن إبراهيم العباسي عن عبد الله بن الحجاج مولى المهدي عن إبراهيم بن شكلة قال إن لكل شيء حياة وموت وإن مما يحيي الكريم مواصلة الكرم وإن مما يومت اللوم مجانبة اللئام. Et ça c'est la cause. On peut se poser la question, comment faire partie de الكرم et comment éviter de tomber dans هذا اللؤم. C'est par rapport aux fréquentations. كما قال عليه الصلاة والسلام المرء على الدين خليل. Il n'y a aucun doute أن الإنسان il est touché directement par ses fréquentations. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالركون إلى الظلمة, le fait de se rapprocher des injustes, de fréquenter les injustes, de marcher avec اللئيم, de le fréquenter, de le prendre pour ami, là ça touchera cet être humain. أولا لا يسلم من شر هذا اللئيم, il sera pas à l'abri du mauvais comportement de هذا اللئيم, d'une insulte, d'une accusation, etc. Et كذلك il sera touché directement. فلهذا قال, on répète, إن لكل شيء حياة وموت, toute chose a une vie et une mort. وإن مما يحيي الكرم, comment faire vivre, revivre, augmenter هذا الكرم, مواصلة الكرم, fréquenter الكرم. لماذا؟ لأن tu vas profiter de leur comportement, de leur bien. Tu vas voir, tu vas entendre des rappels. Ou alors aussi, Hadal Karim ne parle pas. Le fait de le voir, de le fréquenter, tu vas beaucoup profiter. قال وإن مما يومت اللوم مجانبته اللئام. كذلك tu veux affaiblir le mal que tu as en toi, tu veux t'en débarrasser. Débarrasse-toi des gens mauvais. Tu verras que tu vas t'améliorer. Enfin, là, شك أن الصاحب له دور كبير حتى يقولون الصاحب ساحب. الصاحب ساحب, le صاحب, celui qui va te il va t'attirer dans certaines choses. Et on a cité le hadith المرء على الدين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Donc ne pas négliger هذا. كذلك on peut basculer dans un autre point important concernant les enfants. On espère tous que nos enfants ils fassent partie de Al-Kurama et ils ont ces bons comportements. Et on fait tous des dua pour qu'ils ne fassent pas partie de Al-Lu'ama avec ces mauvais comportements et tout ce mal que Ibn Hibban il a cité et qu'il va citer. Et une des solutions, une des causes, c'est que nos enfants ils fréquentent pas Al-Shar. Ils ne fréquentent pas qu'avec les mauvais endroits. Et la shak anna le mal le plus grave, le plus dangereux pour les adultes et pour les enfants, c'est le kufr, c'est la mécréance. C'est les ambiguïtés des kafara. C'est l'ilhad qui est propagé. tout ce qui est anti-din, l'ilmaniya ou la démocratie et toutes ces choses. Si nos enfants ils fréquentent Haoula al-Ashra, là, chaque que ça leur fera du mal. Et en tant que parents, on a tous cette mas'ouliya, enfin, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts sur nous-mêmes. Et kadhalik pour observer, pour appliquer, pour ne pas faire partie de ceux qui ont délaissé leur responsabilité. Qala rahimahullah wa anshadani al-Quraizi ma balu qawmi li amin kana qawmi ما بال قوم لآم ليس عندهم عهد وليس لهم دين إذا ائتمنوا إن يسمعوا ريبة طار بها فرحا منا وما سمعوا من صالح دفنوا صفص من صفات اللؤماء. Ce poète il a cité un بعض الناس ils ont beaucoup de mal dans leur cœur et parmi ce mal, s'ils entendent une rumeur sur leur frère ou sur leur sœur, alors qu'il n'y a aucun fondement, aucun argument, lakin, vu que pour lui, c'est une occasion pour faire du mal, pour rabaisser, al-miskin, alors que c'est Allah qui élève, qui rabaisse. Celui qui essaye de rabaisser son frère, si il le rabaisse, il veut le rabaisser par jalousie, et il n'a aucun argument, il se fait que du mal à lui-même. Il y en a quoi qu'il fasse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève, qui rabaisse. Fa'ba'dhum, vu qu'ils veulent rabaisser leur frère, injustement, fa'in yasma'u ribatan taru biha farahan. Quand ils entendent une nouvelle, ils ne cherchent même pas à savoir est-ce que c'est vrai. C'est basé sur quoi? Wala shay, là, ils ont entendu une chose. Ça peut être un pur mensonge, ça les rend heureux. L'imam al-Yana, c'est une occasion de rabaisser. قال إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا منا وما سمعوا من صالح دفنوا. Et quand ils entendent du khayr de ce mu'min ou cette mu'mina, ils entendent du bien, ils entendent annahu il progresse, annahu il avance, etc. دفنوا, ils enterrent cette nouvelle. Vous avez remarqué que l'objectif de هذا اللئيم, l'objectif de cette mauvaise personne, c'est à tout prix, Iyadan Billah, de faire tomber son frère. C'est pour ça que, quitte à propager un mensonge, quitte à enterrer des bonnes paroles, des bonnes actions qu'il a fait, هذا اللئيم, il le fera. قال صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. صم, ils deviennent sourds quand ils entendent du bien. Quand du bien est cité de telle ou telle personne que Haoula est jalouse, ils envient, ils deviennent sourds. Kanahu, il n'a rien entendu. Wa in dhukirtu bisu, quand il entend des mauvaises paroles, même si c'est des mensonges, même si c'est des rumeurs, il prête l'oreille. L'imam al-Yannahu, ça l'intéresse pour faire du shar. Qala Abu Hatim, rahimahullah, al-Karim yalinu idha stu'tifa, wa al-la'im yaqsu idha lutifa. Ça, c'est une des différences. Al-Karim, quand il sent que son frère, il essaye de se rapprocher, il essaye d'avoir un bon comportement, il devient très très doux. Et il facilite pour son frère. Al-la'im yaqsu idha lutifa. Al-la'im, c'est le contraire. Quand son frère il fait des efforts, il devient de plus en plus dur. Limada, parce que Al-Karim, il agit pour Allah Azza wa Jal. Il ne pense pas qu'à lui. Là, l'essentiel, c'est d'avancer vidinillah. Al-Lahim, il pense qu'à lui. Qala, wal-Karim, yujillu al-Kiram, wala yuhin al-Li'am, wala yu'zi al-Aqil, wala yumazih al-Ahmaq. Tout ça, on l'a vu, kathiran. Vous avez remarqué que sifat al-Kurama, c'est sifat al-Uqala, que Ibn Hibban, il a cité kathiran dans ce livre. Lakin, dans ce chapitre, il a spécifié al-Karim wal-Lahim. Ils ont des caractéristiques bien sûr à eux. Tout cela, ça rentre dans les sifat des uqala. Et le contraire du aqil, on avait dit, c'est l'ahmaq. Al-karim al-aqil la yumazih al-ahmaq. Et on avait lu un chapitre sur al-mizah, le fait de plaisanter avec haoula al-hamqa. Tu plaisantes avec lui et tu veux du khayr et tu veux te rapprocher. Directement, il va transformer ce bien que tu voulais à la base en accusation. Anna, tu veux le rabaisser. Anna, tu te moques de lui. Anna, Anna. Falihada, on ne doit pas plaisanter avec tout le monde. Là, plaisante avec ton frère, Al-Aqil. Tu sais qu'il a une bonne intention. Même si tu te trompes, il te montre billati hiya ahsan. قال ولا يعاشر الفاجر. Bien sûr, Al-Karim, il ne se mélange pas avec Al-Fajir. Al-Fasiq, qui fait des péchés en public, qui ne fait aucun effort pour s'améliorer, qui ne donne pas beaucoup d'importance à son dîn. Il s'écarte de lui. S'il peut le conseiller à la tariq, il l'a le fréquenté. Voilà. قال مؤثرا إخوانه على نفسه. Ça c'est une صفات الكريم, la générosité. Annahu, il fait passer ses frères avant lui. Ahyanan, il a des besoins. Lakin son frère كذلك, il a des besoins. Et ouais, il patiente, il fait passer son frère avant. Ça c'est une صفات عظيمة. قال باذلا لهم ما ملك. Il leur donne ce qu'il possède ou une partie. إذا طلع على رغبة من أخ لم يدع مكافأتها. Et كذلك, ça c'est un خلق طيب, c'est une صفه عظيمه. Alors quand il sait que son frère il a un besoin, il a une envie, et il peut pas se permettre cette chose, مثلا d'acheter telle ou telle chose, et ouais, il a la capacité, il ne laisse pas son frère هكذا. بل il fait tout pour aider son frère في هذا الباب. قال واذا عرف منه الموده لم ينظر في ملق العداوه. Bien sûr, s'il aime son frère فالله il l'aime فالله. Et ferme les portes de l'adawa. Son frère, c'est pas son ennemi, c'est son frère fillah. Qala wa idha a'tahu min nafsihi al-ikha lam yaqta'hu bi shay' min al-ashya. Ay, shay' min al-ashya qui mérite pas. Si c'est ton frère fillah, tu l'aimes fillah, tu as ce lien ma'a. Tu as ce lien, ay la foi, tu es un mu'min et c'est un mu'min. On doit pas laisser une chose couper ce lien, rompre ce lien. Sauf une chose bien sûr qui mérite. On a déjà cité matalan ridda, le fait de quitter l'islam. Qala rahimahullah al-karim man a'tahu shakara wa man mana'a 'adhara. Ça c'est une sifat al-kurama. Si quelqu'un lui donne, fayashkur, il oublie pas le khair al-karim. Contrairement al-la'im. Falihada qala al-sha'ir, un poète il a cité des vers de poésie très célèbres que beaucoup de savants citent quand ils parlent de Al-Karim, Al-La'im. فقال الشاعر إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. Al-Karim, si tu lui as donné quelque chose, tu lui as rendu un service, Al-Karim, il n'oublie pas le khair. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui est reconnaissant envers Allah, كذلك il est reconnaissant envers sa créature. Al-Karim, si tu lui donnes malaktahu. Malaktahu, ça veut dire que tu le possèdes. Ça veut dire quoi? Tu le possèdes. On a, hey, tu posséderas son bon comportement, son shukr, il n'oubliera pas. Al-La'im, le contraire, in anta akramta al-La'im tamarrada. Al-La'im, plus tu lui donnes, plus il tamarrada, plus il a un mauvais comportement. Il oublie le khayr très très vite. Bel, il peut accuser celui qui lui a donné très très vite. Ou il peut nier complètement, annahu, tu lui as jamais rien donné. Qala rahimahullah, wa man mana'aha 'adhara. Kadhalik, si quelqu'un ne peut pas lui donner pour une raison quelconque, il ne peut pas venir, mathalan, à une invitation, il lui trouve une excuse. Amma al-karim, aqsad le contraire, al-la'im, parmi les choses les plus simples pour al-la'im, c'est d'accuser. Très très vite. Madalane, ça arrive, tu invites des frères. Et Wahed, il ne peut pas venir. Al-Karim, directement, il trouve une excuse à son frère. Peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il a eu une urgence, un empêchement. Al-La'im, directement les mauvais soupçons. Il ne vient pas parce que Kada, on lui a dit Kada. Na'oudou billah. Vous avez remarqué que Al-Karim, avec hadhihi al-akhlaq, il aura une vie tayyib. Il ne sera pas angoissé, il sera furaha. Alhamdulillah. Al-La'im, à cause de ses wasawis, à cause de le shor qu'il a dans le cœur, à cause des mauvais soupçons, il est toujours fitab. Il est fatigué et fatigant. Qala, rahimahullah, wa man qata'ahu wasala, taqaddam ma'ana kathiran. Wa man wasalahu faddalah, wa man sa'alahu a'ta'ah, wa man lam yas'alahu ibtada'ah. Hada taqaddam ma'ana. Donc, باب المسألة. قال وإذا استضعف أحدا رحمه وإذا استضعف أحدا رأى الموت أكرم له منه واللئيم بضد ما وصفنا من الخصال كلها. Toutes les خصال, toutes les caractéristiques du كريم, le contraire, c'est les caractéristiques du لئيم. الماوردي رحمه الله كما في أدب الدنيا والدين قال اللئيم. Ça c'est un âge où c'est pas cité dans Rawdat al-Uqala. Lakin on peut citer quelques caractéristiques du la'im avant de finir. Al-la'im, idha ghab'ab, wa idha hadra'gtab. Ça c'est min sifat al-la'im. Al-la'im idha ghab'ab. Quand il n'est pas présent, il critique toujours. Il n'est pas présent, il critique. Il n'est pas venu, madalan, et la seule chose qu'il trouve c'est critiquer. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi kada? Pourquoi? Wa idha hadra'gtab. Et s'il est présent, Rtab, il fait beaucoup de médisance. Il critiquera les autres. Quand lui, il n'est pas venu, il faut que personne ne le critique. Et c'est lui qui critiquera. Et quand il est là, il critique les autres. Ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre « Anna al-la'im falasabi li'iqna'i illa ayyasha Allah » Pour satisfaire al-la'im, al-shirir, les mauvaises personnes qui ont ce mauvais comportement, tu auras beaucoup de mal à les satisfaire. فَلِيَذَا السَّلَامَ سَلْبُعْدِ Salama, c'est de s'écarter. On peut être éprouvé par un proche qui a ses caractéristiques, qui fait partie de Al-Lu'ama. فَهَذَا النَّصِحَ عَلَى الطَّرِيقِ Lui donner son haq de qarib, si c'est un proche, et le conseiller. أَمَّا فَخِكَنْتِ هَاُولَى C'est un ta'b chadid. وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَا أَرْبَعَةٌ مِنْ عَلَمَاتِ اللُّؤْمِ Quatre caractéristiques pour reconnaître Al-La'im. قَالَ La première, ifsha usur. Anahum, il dévoile les secrets. Alors que Al-Kerim, si son frère lui a confié quelque chose, Walan, c'est qu'il y a une raison. Et Had Al-Kerim, il respecte Had. Anahum, c'est un secret, c'est un secret. Amma Al-La'im, la première chose qu'il fera, c'est de propager ce secret. Wa'tiqad Al-Ghadr. Kadhalik. Anahum, il trahisse très très vite. Ils ne respectent pas leurs engagements. Secret ou autre. وغيبة الأحرار كذلك اللئيم إلى هذا الوصف أي الغيبة la médisance envers ses frères لسان حداد عند اللؤماء ils ont des langues aussi aiguisées qu'une lame يقطعون في لحوم المؤمنين ليلا ونهارا وإساءة la quatrième caractéristique وإساءة الجوار أما avoir un voisin من هؤلاء الأشرار اللؤماء نسأل الله السلام أنهم يفون beaucoup de mal à leurs voisins. On finit de قوله رحمه الله الكريم محمود الأثر في الدنيا مرضي العمل في العقبة يحبه القريب والقاسي. Ça c'est un encouragement pour chacun de nous pour qu'on fasse des efforts. أن الكريم est celui qui craint Allah عز وجل qui fait des efforts pour améliorer son comportement, pour se maîtriser. كذلك أنه لا يؤثر الدنيا على الآخرة. Savoir pour conséquence أنه il est très généreux. فهذا il est محمود الأثر في الدنيا. Les gens ils reconnaîtront son خير ici-bas. مرضي العمل في العقبة. Et Allah subhanahu wa ta'ala il acceptera de lui le jour du jugement. يحبه القريب والقاسي. Al-Karim, les proches, et qu'il y a les autres que les proches, ils reconnaissent son bien. Et tu le vois, عند بعض الناس. Annahum, leur bien, il est reconnu, عند القريب والبعيد. قال, ويألفه المتسخط. نعم, ويألفه المتسخط والراضي. ويفارقه الأعداء واللئام. Vu que الأعداء واللؤماء, كذلك on dit le pluriel al-li'am, les deux, la'im, le pluriel de la'im, ils s'écarteront de lui. Les malades, ils n'ont rien à gagner. Ya'mur bil ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, wa yansah lillah. Et il fait des efforts dans l'ilm, il fait des efforts pour adorer Allah Azza wa Jal. Falihada, le meilleur moyen pour que l'ashrar s'écarte de nous, c'est qu'on craigne Allah. Haoula, ils essayent, kathiran au départ. Quand il voit qu'un tel, il ne parle pas sur les gens, il fait des efforts fil ilm, il est occupé par ta'atullah azza wa jal, il est occupé par les choses qu'il a besoin fi dunya, il s'écarte. Limadha li'anna al-la'im, il a besoin de quelqu'un comme lui, pour critiquer les gens, pour faire du mal. Quand il voit que Anta t'es pas haoula, très vite il abandonnera. Qala wa yashabuhu al-uqala wal-kiram. Ses fréquentations, c'est al-uqala wa al-kiram. Wa ma ra'aytu ashadd naqsan fi 'amal al-karim min al-faqr, sawa' kana dhalik bil-qalb aw bil-mawjud. Na'am. Fa hadha wallahu ta'ala a'lam. Fa 'ala kulli hal, al-karam c'est une sifa 'azima. Que ce soit al-karam bil-mal ou al-karam bil-ilm, être généreux avec son argent ou être généreux avec la science ou être généreux avec les bonnes actions. Ala kulli hal, ça englobe le bien. On doit faire des efforts pour faire partie de ha'oula. Wa al-lu'm wa al-shar, ça fait beaucoup de mal aux mu'mines. Enfin, on doit faire des efforts pour s'écarter de tout ce qui est mauvais. Mina al-mu'taqadat, bien sûr, ka al-shirk والإلحاد وكذلك البدع et les péchés qui font du mal au cœur ou autre et tout ce qui peut nous nuire ici-bas ou dans l'au-delà. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله. On passe au درس suivant إن شاء الله تعالى.